extrait de l'album Can Man, un truc qui fait vraiment du bien pour commencer cette émission. Et par les temps qui courent, on a besoin de bonnes vibes, de good vibes. Ce shuffle avec cette voix qui peut faire penser à Olin Wolf. Son premier album est sorti en 1999, il s'appelait East Saint Louis. Et son vrai nom, c'est James Davis. Il est né à Drew, dans le Mississippi. Donc il a débuté sa carrière comme batteur, il a joué avec des mecs comme Doc Terry. Et puis il a joué 18 ans dans un bar de Saint-Louis qui s'appelait le Tabby's Red Room dès son jeune âge. Donc c'est un musicien que j'avais vu à Avignon en première partie de Popa Chubby, et quelqu'un de très très attachant, très très sympa. Il était avec deux rednecks qui l'accompagnaient à la guitare et à la basse. Il y en avait un qui avait sur son t-shirt « Blues sucks », c'est-à-dire le blues ça craint. Et j'ai trouvé que c'était une bonne dose d'humour. Et un mec qui dit qu'il faut avoir ses albums parce que c'est vraiment roboratif. Voilà encore un autre superlatif. Et on continue avec un petit boogie-woogie, toujours sur le même album. Et là, la chanson s'appelle simplement « Booze Boogie Woogie ». Ladies and gentlemen, title of this song called it Booze Boogie Woogie. Et allez, encore des good vibes sur le 89.5. Je vous rappelle que je suis simplement avec Véro, on embrasse Muriel et David qui devrait trouver un dépanneur, je l'espère, et qui va venir nous rejoindre assez vite. Donc un boogie-woogie, voilà, au piano bien entendu, puisque c'est un style pianistique né dans le sud des États-Unis, dont un des grands initiateurs est Paynton Smith. On peut parler aussi de Coco Davenport. Il s'agit de jouer de la main droite les walking bass, et de la main gauche, et de la main droite... envoyer des... improviser, voilà, simplement sur son piano. C'est un truc qui met la forme. Et comme je vous le disais, à l'heure actuelle, ça fait du bien. Maintenant, les amis, maintenant, nous allons revenir à un groupe que j'adore, c'est Goffed Mule. Goffed Mule, emmené par Warren Hayes. Et ils ont sorti un album à l'orée des années 2000, en l'honneur de leur batteur qui était décédé, Monsieur Allen Woody. Et un triple album, donc, de reprises, de chansons qu'ils ont écrites. Et avec sur chaque chanson, des bassistes dont je vous donnerai le nom après. Là, j'ai envie de vous envoyer un gros truc funk bien stylé, avec du groove. Ça a été écrit par le groupe Tower of Power, un groupe funk des années 70. Je crois qu'ils étaient d'Auckland. Et la chanson a été écrite par le bassiste qui s'appelait Rocco Prestria. Donc écoutez ça, la basse est énorme. Et puis Warren Hayes et Goft Mule savent s'acclimater à tout style de musique. Bucks to count your Alors, si vous ne connaissez pas Tower of Power, allez écouter tout de suite sur Internet ou acheter un disque groupe funk des années 70 de la côte ouest. Donc ici avec le bassiste historique. Et ce n'est pas le batteur qui est décédé de Goft Mule, c'était le bassiste. Et sur ce disque, donc juste après le décès, pour lui rendre hommage, il convoque quelques bassistes pour jouer avec eux. Alors par exemple, il y a Jack Bruce, Jack Cassidy, Les Claypool, Bootsy Collins, Billy Cox, John Entwistle, Roger Glover, Mike Gordon, Larry Graham, Alfonso Johnson, Phil Lesh, Stephen Lessard, Tony Levin, Jason Newsted, George Porter Jr. C'est vraiment un who's who des bassistes sur ce triple CD. Et on va continuer avec un traditionnel là dans le blues, toujours Loud Down and Dirty. Tout le monde connaît ce morceau, du moins ceux qui aiment le blues, ça s'appelle Catfish Blues avec deux solos démentiels de l'ami Warren Hayes. We'll be right back. Ouais, le Black Cat est avec nous ce soir, à l'enregistrement qui déconne. David qui est perdu quelque part dans les marécages avec sa voiture. Véro qui est morte de rire. Muriel qui n'est pas là. En tout cas, ça ne m'empêche pas de remercier Alexandre qui est en alternance avec nous le mercredi soir pour son émission Rock'n Radio qui consiste à interviewer des groupes de la scène locale depuis 2015. Donc voilà, je sais qu'il nous suit sur la page Facebook. Son émission, c'est Rock'n Radio et je crois que c'est à 21h tous les mercredis, comme Boogie. Alors sur cet extrait de ce triple album que vous venez d'entendre, il faut vraiment l'avoir. Ça s'appelle Goat Mule The Deep End et je vous ai parlé du nombre de bassistes qu'ils ont invités pour rendre hommage à Alan Woody, donc leur bassiste originel. Et il y a aussi des grands musiciens à côté. Il y a Greg Allman, par exemple, Jerry Cantrell, Audrey Freed, David Gearsam, Chuck Leavell, Little Milton, Danis Louis, Paige McDowell. C'est un truc de fou. Derek Trucks, Pete Steers, John Scofield. Vraiment, comme je le disais avant, un who's who de tout ce que la musique blues, rhythm and blues, soul connaît. Donc, Goat Mule, ce coffret est exceptionnel. Des reprises, des chansons originales pour rendre hommage à Alan Woody, leur bassiste qui était très tôt disparu. Et nous continuons maintenant, comme je suis tout seul. C'est pas évident pour moi, genre. David, arrive, s'il te plaît. On va rendre hommage à B.B. King avec cet album du premier trimestre, pour moi, qui est un des meilleurs albums sortis en ce début d'année 2026. C'est Joe Bonamassa qui rend hommage à B.B. King. Alors, d'après Rolling Stone Magazine, il le connaissait depuis gamin, puisque le père de Joe Bonamassa avait un magasin de musique, et B.B. King a souvent poussé la porte de ce magasin et se demandait qui était le jeune qui jouait dans l'arrière-boutique. Et c'était Joe Bonamassa, donc ils sont devenu ami, il l'a pris en première partie et c'est de là qu'est née cette amitié. Alors là aussi, Joe Bonamassa a convoqué énormément de musiciens et sur des titres de B.B. King, alors aussi bien des titres qu'il a écrits que des titres qu'il a immortalisés. Et là, on va écouter un morceau avec Monsieur Buddy Guy, son pote. Ils ont joué énormément ensemble, donc avec Bonamassa, bien entendu. Et le morceau s'appelle, vous allez reconnaître tout de suite, mes amis, ça s'appelle, je retrouve mon papier, voilà, Sweet Little Angel Tribute B.B. King. C'est vraiment un des meilleurs albums de ce premier trimestre. See, I got a sweet little angel. People, I love the way she spreads her wings. Well, when she spreads her wings around me, don't you know I get joy at everything. I asked my baby for a nickel. Guess what? She gave me a $50 bill. Well, yes, it's my baby for a nickel. And she gave me a $50 bill. Yeah. Still, you can't beat that one, hammer and nail. You want me to play? Look out now, here I come. Thank you. me. Ouais, cet album est génial et c'est vraiment un hommage incroyable à la musique, à la personne qu'est B.B. King, célébration d'une vie dans le blues. Et c'était pour l'anniversaire de ses 100 ans. Je vous avais dit qu'on ferait une émission un peu spéciale. On avait prévu un petit truc avec David, mais bon, j'espère qu'il va arriver. Et sur ce titre, par exemple, vous l'avez reconnu, il y a Buddy Guy, il y a Joe Bonamassa, il y a Josh Smith à la guitare, Calvin Turner à la basse, Lemar Carter à la batterie, Reese Wynans au clavier, Steve Patrick à la trompette, Taylor Jagger à la trompette, Mark Doutit au saxophone, Jimmy Bowland au sax et Barry Green au trombone. Un hommage à la musique de B.B. King, un copieux livret, une box CD déjà qui est magnifique. Je n'ose même pas imaginer ce que ça doit être en vinyle. Et on peut retrouver sur cet album Eric Gales, Warren Hayes, donc on revient sur Goff the Mule, Paul Rogers, Ivan Neville, Marcus King, Suzanne Tedeschi et Derek Trex. C'est vraiment une invitation à célébrer la musique de B.B. King et aux 100 ans qu'il aurait eu en 2026. Et on va continuer donc avec cette célébration. Et le guitariste qui est là, c'est George Benson. Pas réellement un bluesman, mais un guitariste de jazz exceptionnel. Et il faut savoir que B.B. King avait diverses influences. Hein. Ça allait de Django Reinhardt à Lonnie Johnson, en passant par Blind Lemon Jefferson. Et il se passionnait pour énormément de choses. B.B. King, c'est pas seulement du blues de Delta, qui est devenu du blues électrique plus tard. Énormément, énormément d'influences. Donc George Benson à la guitare, sur un titre qui s'appelle « Il y a sûrement un monde meilleur » ailleurs, et ça c'est certain vu ce qu'on vit à l'heure actuelle. There Must Be a Better World par Joe Bonamassa et Monsieur George Benson. Sometimes I wonder just what I'm fighting for. I win some battles, but I always lose the war. I keep right on stumbling in this no man's land out here. But I know, yes, I know, there must be a better world somewhere. Flying high, some joker clips my wings just because he gets a kick out of doing those kind of things. keep on falling in space, or just hanging in midair. But I know, oh yes I know, there's just gotta be a better world somewhere. Every woman I want only wants herself. Everybody I love seems to love somebody else. And every woman got a license to break my heart. And every love affair is before it gets a chance to start. If it ain't here, maybe in the hereafter. Instead of tears, I'll learn all about laughter. But meanwhile, I'm stuck out here. It just ain't fair. But I know, oh yeah, I know, there must be a better world somewhere. Everybody I love seems to love somebody else. And every woman got a license to break my heart. And every love affair is over. Instead of tears, I'll learn all about laughter. Meanwhile, I'm stuck out here. It just ain't fair. But I know, I said I know. Oh yeah, there must be a better world. Just gotta be, gotta be a better world somewhere. Oh, oh yeah. Voilà, si vous ne saviez pas ce que c'est que le feeling, eh ben vous l'avez à l'antenne sur le 89.5 sur Boogie. Nous sommes avec Véro. Ben, je suis avec Véro. on vous le dit, David devrait arriver, j'espère. Il est 21h41. Nous sommes avec ce superbe hommage à B.B. King. Donc, B.B. King's Blues Summit 100, Celebrating the King of the Blues, par Joe Bonamassa. Et il y a un bouquin en France qu'on peut avoir si on aime B.B. King et si on veut connaître B.B. King. Ça a été écrit par Sébastien Danchin. Je crois que c'est le seul livre en français sur B.B. King. Sing, qui est sorti il y a quelques années aux éditions Parenthèse, et c'est un superbe bouquin avec des extraits d'interviews de B.B. King sur ses influences, sa vie, les causes pour lesquelles aussi il se battait. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et Sébastien Danchin est quelqu'un qui écrit très très bien. Ce n'est pas scolaire, on lit ça comme un roman. Donc ça s'appelle B.B. King, Sébastien Danchin, aux éditions Parenthèse. Et on continue avec ce superbe hommage tout de suite, maintenant, 21h42. Let's go. Now it's all over, baby. All I can do. Voilà, nous étions ici avec Eric Clapton et Chaka Khan, donc la voix féminine, sur cet hommage à The Thrill Is Gone, grande, grande chanson, maintes fois chantée par B.B. King. Et c'est vrai que, rappelez-vous, il avait sorti un album avec Eric Clapton qui s'appelait Riding With The Blues, et avec la pochette où on voyait Clapton au volant d'une Cadillac décapotable. Et B.B. King, ça le faisait sourire ironiquement parce qu'il disait « Je fais de la musique depuis plus de 40 ans, je n'ai jamais été en tête d'affiche. » Et là, sur Hollywood Boulevard, il y a les grandes affiches Eric Clapton et B.B. King. Et ils disent « Il a fallu que j'enregistre avec un blanc pour que j'ai ma photo comme ça sur les grands panneaux. » Et ça le laissait assez... Bon, il était assez ironique, mais c'est un mec hyper, hyper sympa, abordable et puis très, très humble. Il s'est battu pour pas mal de causes, notamment quand il a joué dans les prisons. Le premier enregistrement s'est déroulé à la prison de Cook et il s'est rendu compte que la jeunesse emprisonnée ne savait pas les droits qu'ils avaient. Ils étaient en préventif depuis un an sans savoir ce qui allait leur arriver. Et B.B. King s'est battu avec une association qu'il a créée pour que tous ces jeunes puissent avoir droit à la défense, à des personnes à qui parler pour pouvoir s'en sortir. Et c'est vrai que ça a été un des combats de sa vie. Il a aussi enregistré, souvenez-vous, le live à Saint-Quentin ou des prisons comme Sing Sing. Et je reviens sur ce bouquin de B.B. King de Sébastien Danchin. On apprend énormément, énormément de choses. Je vous l'ai dit, des extraits d'interviews où notamment B.B. King explique qu'il a perdu sa maman très jeune et que ça a été un réel, mais vraiment un réel traumatisme. Il a grandi avec sa grand-mère et pour écouter de la musique, il allait chez sa tante. Il le dit dans le bouquin, ma tante était branchée, elle avait un phonogramme et il pouvait écouter les vieux titres de Blind Lemon Jefferson et de tous les musiciens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il s'est fait un peu sa culture musicale comme ça et il adorait aussi écouter les saxophonistes. C'est très bien décrit dans ce bouquin parce qu'il adorait le phrasé de certains saxophonistes dont il essayait de reprendre à la guitare le truc. C'est un peu technique mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc ce livre, il faut vraiment l'avoir chez soi. C'est le seul bouquin en français. Sébastien Danchin, B.B. King. J'ai su qu'il y avait un livre qui est sorti récemment aux États-Unis. On peut le choper aussi si on comprend la langue de Shakespeare. Et nous continuons donc avec ce double album hommage à Riley B. King, puisque c'est son vrai nom, avec maintenant It's my own fault. Putain, cet accent de merde, c'est déstabilisant, hein. David arrive très vite, hein. Muriel, tu reviens aussi, donc, et c'est avec Kim Wilson, l'harmoniciste chanteur des Fabulous Thunderbirds. It's my own fault, babe. Treat me the way you wanna do. It's my own fault, baby. Treat me the way you wanna do. At the time you were loving me, baby, that's the time I didn't love you. You used to make your own paycheck, baby, and bring them on home to me. I go up on the hillside, you know, and make every woman drunk I see. It's my own fault, baby. Treat me the way you wanna do. And the time you were loving me, that's the time I didn't love you. Boys, you say you're gonna leave me, gonna be your Illinois. My own ball, babe. Treat me the way you wanna do. At the time you were loving me, baby, that's the time didn't love you. Quatre chansons extraites du double album en célébrant les 100 ans de B.B. King, initié par Joe Bonamassa, avec Kim Wilson là, qui était simplement au chant. On n'a pas entendu d'harmonica. Et il y a énormément de grandes vedettes qui, à mon avis, ne se sont pas fait prier pour venir jouer la musique de B.B. King, tellement ce personnage était apprécié. Dès le milieu des années 50, il était en tournée dans son bus. Il n'a cessé de tourner. Il jouait en URSS, en Chine, dans des pays très, très différents. Et toute sa vie a été sur la route, parsemée d'enregistrements. Même ses derniers albums sont vraiment très, très bien. Et Riley B. King a pris le surnom de B.B. King, Blue Boys King, quand il a intégré la radio WDIA à Memphis, où il était plus ou moins disc-jockey, il avait une petite émission. Et c'est comme ça qu'il a commencé à traîner dans les rues de Beale Street à Memphis. Il a rencontré Elvis Presley, avec qui il est très pote. Et dès 1955-56, il partait en tournée, comme je vous l'ai dit, une année sur la route, quoi. Voilà. Et là, on va écouter un extrait, même plusieurs extraits d'un album qui dure 36 minutes. Un des plus grands albums live de l'histoire du blues, c'est le Live au Régal de Monsieur B.B. King. Alors, c'est un album explosif où tout son talent vocal et guitaristique s'exprime. Le public gueule, il y a des cris, lui répond. C'est un peu ce qui se passait dans ces endroits-là dans les années 60, puisque l'enregistrement, ça date de 1964. Et sur le livre de Sébastien Danchin, B.B. King, donc aux éditions Parenthèse, il décrit ce qu'est le Régal. Donc, c'est un club, était situé au cœur du quartier sud de Chicago, à l'intersection des deux principales artères du ghetto, Parkway et la 47e rue. Ce vaste cinéma, aux lourdes décorations de stuc dans le plus pur style mauresque, avait été érigé dans les années faste qui avaient suivi la Première Guerre mondiale. Avant que B.B. King, James Brown ou Gladys Knight n'y fassent leur classe, le Régal avait commencé par accueillir des artistes de la tradition américaine du vaudeville, comme Ida Kaus, Bessie Smith, avant de donner leur chance aux plus grandes formations de swing des années 30, celles de Duke Ellington, Count Basie, Cab Calloway. Les programmations du Régal s'adaptaient aux modes et aux goûts, tant pour les concerts que pour les films qui étaient présentés, de même que Clark Gable avait cédé sa place à Marlon Brando et James Dean sur l'écran. Aretha Franklin et Curtis Mayfield avaient remplacé sur les planches Earl Hines et Ella Fitzgerald. Et là, nous allons écouter, les amis, 4 titres de ce Live au Régal qui est présenté par le DJ local. Et B.B. King, c'est vraiment extraordinaire. 36 minutes de folie douce. On écoute donc sur le 89.5 Boogie Radio Joe. Ladies and gentlemen, how about a nice warm round of applause to welcome the world's greatest blues singer, the king of the blues, B.B. King! Thank you. every day. Every day I have the blues, every day. Every day I have the blues, when you see me wearing woman, and it's you I hate to lose. Nobody loves me, nobody seems to care. Yes, nobody loves me, nobody seems to care. Speaking of worries and trouble, darling, you know I've had my share. Thank you very much. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, we would like to go back and sort of reminisce just a little bit and pick up some of the real old blues. If we should happen to play one that you remember, let us know it by making some noise. If we should pick up one that you might remember, we'd like to start it off by one of the real, real oldest. And it sounds something like this. Quit me while I do believe. hope you remember that one. Thank you. I'd like to tell you a little story now, if I may. A guy singing about his girlfriend, and he calls his angel. Of course, that's the sweet little angel. But let's think about a guy that loses his girl. Oh, it happens, believe me. And then he starts to sing. And you might hear something that sounds like this. It's my own fault, babe. Treat me the way you wanna do. It's my own fault, baby. Treat me the way you wanna do. That's when you were loving me, baby. Oh, at that time, little girl, I didn't love you. This is the part I like. She used to make her own paychecks and bring them all home to me. I would go out on the hillside, you know, and make every woman drunk I see. And it's my own fault, baby. Treat me the way you wanna do. Oh, yes, when you were loving me, woman. Oh, at that time, little girl, I didn't love you. I have one more I wanna tell you. She said she was gonna leave me. She'd been running around with the boys. She said she was gonna leave me, going to Peoria, Illinois. And it's my own fault, baby. Treat me the way you wanna do. Oh, what you were loving me, woman. What'd you say? Next tune, while we're reminiscing here, I would like for you to pay attention to the lyrics, not so much to my singing or the band. Of course, I think they're wailing out there, though. How about a big hand for them? Give them a big hand. A little swing. Jeremy? Thank you. Thank you, but now we're going way down in the alley. Way down in the alley. I like to play a little bit. Babe. I say I've been downhearted, baby. Ever since the day we met, our love is nothing but the blues, woman. Baby, how blue can you get? You're evil when I'm with you, and you are jealous when we're apart. Yes, I say you're evil. You're so evil when I'm with you, baby, and you are jealous when we're apart. How blue can you get, baby? You said I want a Cadillac. I bought you a $10 dinner. You said thanks for the snack. I let you live in my penthouse. You said it was just a shack. I gave you 7 children, and now you want to give them back. Yes, I belong. un album exceptionnel, Live at the Regal. Donc chez MCA, on le trouve facilement dans les 5-10 euros, pas plus. Et c'est un album qui fait partie de la grande histoire du blues, qui est toujours classé dans les tops de tous les plus grands disques. Voilà, B.B. King au sommet de sa forme au Regal. Donc c'est un public noir qui vient le voir, bien entendu, en 1964. Et si vous êtes vigilant, on peut entendre les Big Mama qui lui répondent, qui lui disent « Oui, je suis là, chérie » et tout. C'était l'ambiance qu'il y avait dans ces clubs, dans ces théâtres du Southside de Chicago. Et maintenant, nous allons tout naturellement basculer vers un monsieur qui jouait de la slide guitare, qui était ni plus ni moins que le cousin de B.B. King. C'est Booker T. Washington White, qui se faisait appeler Bucka White. Et quand B.B. King est arrivé à Memphis, il a logé chez lui et il l'a énormément vu jouer de la slide guitare. Et Bucka White a essayé de lui apprendre et B.B. King n'a jamais su. C'est pour ça que son jeu de guitare est si caractéristique. Parce que la slide guitare, pour un grand musicien comme lui, ben, il l'avoue, il n'a jamais pu, au grand désespoir de Bucka White. Donc Bucka White est un musicien du Delta Blues. Je crois qu'il est né du côté de Vicksburg. Alors il est monté à Memphis, il a enregistré quelques titres. Je crois que c'était pour un label Victor ou quelque chose comme ça. Et puis il a arrêté la musique pour faire de la boxe. Il est allé en tôle suite à un braquage qui avait fait un mort. Donc il est resté quelques années. Après, il a enregistré donc des sessions dont on va écouter un morceau maintenant pour le label Bluebird dirigé par Lester Melrose. C'est vraiment le sommet de sa carrière dans les années 40. Et je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle High Fever Blues. I'm taking down with the fever. And it won't let me sleep. I'm taken down with the fever. And it won't let me sleep. It was about 3 o'clock before he would let me be. I wish somebody would come and drive my fever away. I wish somebody come and dry my fever away. This fever I'm having sure is in my way. This fever I'm having sure is hard on a man. This fever I'm having sure is hard on a man. They don't allow my lover come and shake my hand. I wonder what's the matter with you people. Sure it's hard on a man. I wanna know what's the matter. How come the fever hard on a man? Doctor said ain't the fever that your lover has another man. Doctor, get your fever gauge and put it under my tongue. Doctor, get your fever gauge and put it under my tongue. Doctor says all you need your lover in your arms. I want my love on, come and dry my fever away. I want my love on, come and dry my fever away. Doctor said she'd do me more good in a day, and he would in all of his days. Voilà, Monsieur Bucka White, donc cousin de B.B. King, qui jouait souvent sur une guitare style dobro avec un résonateur métallique. Grand, grand musicien qui a été redécouvert dans les années 60. Un guitariste, rechercheur de talent, Vous savez que dans les années 60, tous ces musiciens ont eu un regain d'intérêt avec les jeunes fans de folk qui aimaient le blues des années 30. Et beaucoup ont été retrouvés dans ces années-là, tel Bukka White. Donc ce jeune musicien avait écouté un titre de Bukka White qui s'appelait Aberdeen Mississippi Blues. Donc il s'est simplement contenté d'envoyer une lettre dans la localité d'Aberdeen dans le Mississippi. Et Bukka White, qui était devenu un paysan tranquille, retraité, qui travaillait sa terre, a reçu la lettre. Il est monté donc du côté de New York, Chicago, et il a eu une seconde carrière comme les Sonny Boy Williamson, Son House et tous ces gens-là. Donc on va écouter ce titre, grâce à ce titre qu'il a pu relancer sa carrière, donc Aberdeen Mississippi Blues, toujours pour les sessions de Lester Melrose sur le label Bluebird. Alors Bluebird, il y avait des gens comme Tampa Red, Big Bill Bronzy, Scrapper Blackwell, Leroy Carr. Voilà, c'était un des plus grands labels blues urbain de Chicago des années 40. On écoute ça sur le 89.5, donc je suis seul avec Véro ce soir. Ça se passe plutôt pas mal. Il est 22h20 et on termina tranquille vers 22h30. Over in Aberdeen on my way to New Orleans. I was over in Aberdeen on my way to New Orleans. Them Aberdeen women told me it was about my gasoline. Hey, two little women that I ain't never seen. There's two little women that I ain't never seen. These two little women just from New Orleans. I'm sitting down in Aberdeen with New Orleans on my mind. I'm sitting down in Aberdeen with New Orleans on my mind. Well, I believe them Aberdeen women gonna make me lose my mind. Aberdeen is my home, but the men don't want me around. Aberdeen is my home, but the men don't want me around. They know I will take these women and take them out of town. Listen, you Aberdeen women, you know I ain't got no dime. Oh, listen, you women, you know I ain't got no dime. They've been had deep, old boy, all hobbled down. Tous ces musiciens ont eu vraiment des destins incroyables. Je ne vous ai raconté que des bribes de la vie de Bukka White. Bah, allez sur une encyclopédie du blues sur internet et vous verrez que c'est une vie bien bien remplie. C'est extrait d'une compilation qui s'appelle Aberdeen Mississippi Blues, comme le morceau que vous venez d'écouter. Alors les guitares à résonateur métallique, il y avait par exemple les dobros, et il y a toujours les dobros qui avaient été créés par les Dopera Brothers, d'où le nom, et puis il y avait les National Steel par exemple. Donc l'émission se termine, les amis, les 22h23. Je voulais rendre hommage à un musicien qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, c'est Phil Campbell, c'est le côté rock'n'roll de l'émission. Phil Campbell, guitariste de Motorhead, qui avait commencé dans un groupe d'heavy metal anglais qui s'appelait Persian Risk. Bon, il n'y avait pas grand-chose de bon dans ce groupe-là, même lui le disait. Mais personnage attachant, grande gueule, gros caractère, parce que pour travailler avec Lemmy, il fallait au moins ça. Et il est parti, je crois, à l'âge de 67 ans. Et depuis le décès de Lemmy, il sortait des albums récurrents de gros rock'n'roll qui tâchent avec ses Bastard Son, ses fils de bâtards. sa femme, il faut avouer qu'elle n'aimait pas trop ce nom de groupe, à vrai dire. Il l'avait dit dans une interview. Et là, c'est un de ses albums les plus ambitieux, où il y a pas mal de guests avec lui. Et l'album s'appelle The Lion Still Roar. Pourquoi le lion, parce que c'est un Gallois fier de l'être. Et je crois que le lion est l'emblème du pays de Galles. Donc, on va écouter un morceau qui s'appelle Swing It. C'est avec Alice Cooper. Je vous l'ai dit, il y a énormément d'invités sur cet album. Donc Phil Campbell, qui est parti depuis une vingtaine de jours maintenant. Il avait rejoint Motorhead sur l'album Orgasmatron en 1986-87. Et si vous allez sur Internet, il y a un super passage où ils font la promo de cet album chez Yves Mourouzi au journal télévisé de TF1. Oui, c'était une autre époque, mais regardez cet extrait parce que c'est énorme de voir Mourouzi et sa compagne avec des t-shirts Motorhead et Lemmy et sa bande derrière qui font les dingues. Donc ça s'appelle Swing It de Monsieur Phil Campbell avec Alice Cooper. My wheels are rolling. Ouais, les amis, l'émission se termine avec Phil Campbell. Donc, on aurait dû présenter ce soir le nouvel album de Rachel Play et Philippe Herouette, l'album de Red Bean and Pepper Sauce. Mais bon, David il a eu ce gros problème. Il est perdu dans le bayou stéphanois. J'espère qu'il va pouvoir rentrer et que tout ça s'arrangera. On embrasse aussi Muriel et je remercie vraiment Véro d'avoir été au taquet en régie. On a passé une heure et demie ensemble et on termine avec un deuxième morceau de cet album de Phil Campbell qui s'appelle Straight Up avec Rob Halford. Donc merci à toutes et à tous. Il y a pas mal de concerts ces temps-ci au Roadhouse à Dargoire, à la Hall Blues Club de Bellusin. Donc vous allez sur la page Facebook de l'émission Boogie Radio Duo. Et on présentera toutes ces nouveautés la prochaine fois quand ça sera beaucoup plus clean. C'est les aléas du direct, les amis. Je vous souhaite une belle et heureuse soirée. Ne laissez pas passer n'importe quoi entre vos oreilles. Gardez le moral malgré tout. Et straight up par Phil Campbell, 89.5 Radio Duo.